l'épidémie de Covid-19 et les maladies émergentes, le cerveau, l'antibiorésistance, le cancer, la veille sanitaire, les podcasts de l'Institut Pasteur, une série de 5 podcasts pour faire le point sur la recherche et ses avancées. À retrouver sur toutes les plateformes à l'occasion du Pasteur Don. Le 25 août dernier, rouvrait à Grenoble, après un peu plus d'un an de travaux de modernisation, le SRF, le synchrotron européen de 4e génération à l'heure actuelle, la source de rayons X la plus puissante au monde. Mais allez-vous me dire, quel intérêt d'avoir chez nous le synchrotron le plus puissant du monde? Eh bien, il est multiple. Ce synchrotron ne fonctionne pas tant comme un collisionneur de particules, mais plutôt comme une source très importante de rayons X, et par extension comme une sorte de super microscope extrêmement puissant, qui peut scanner la matière autant en biologie qu'en chimie, en paléontologie, en physique atomique et pourquoi pas même en virologie et pour la lutte contre le Covid. Synchrotron et c'est reparti pour un tour, c'est le programme accéléré qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour parler de ce synchrotron 4e génération, de son évolution et des nouveaux usages qui vont être rendus possibles, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean Suzini, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur scientifique de l'ECRF à Grenoble, et François Riotor, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes directeur scientifique du laboratoire modélisation exploration des matériaux au CEA. Mais pour commencer, on fait le tour non pas du synchrotron, mais de l'actualité scientifique du jour avec Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence par une étude parue dans Nature Communication. Une équipe du CNRS a découvert le point faible du SARS-CoV-2, ce serait son ARN polymérase. Et la polymérase, c'est une enzyme qui est codée par le génome du virus et qui est chargée de faire une copie fidèle de son matériel génétique. Dans le cas du coronavirus, c'est une longue molécule d'ARN. Alors parfois il y a des erreurs, mais cette polymérase est capable de réparer les erreurs qu'elle fait pour assurer une stabilité génétique au virus. Ces chercheurs ont mis en évidence que pour le SARS-CoV-2, cette polymérase est extrêmement rapide. Elle est 10 fois plus rapide que chez le virus de l'hépatite C, par exemple. Alors que la molécule d'ARN du coronavirus est 3 fois plus longue. Alors, l'avantage pour le virus, c'est que cela laisse moins de temps au système immunitaire pour le détecter. Mais cet atout est aussi un talon d'Achille. Bruno Canard, directeur de recherche au CNRS à l'université Aix-Marseille, est l'auteur principal de cette étude. Il montre que certaines molécules qui agissent sur la réplication virale peuvent pousser le virus à commettre des erreurs catastrophes. On a pu mettre en évidence qu'il y avait des déterminants structuraux, des choses visibles dans la structure de cette polymérase qui font que cette copie est beaucoup plus rapide. Et le fait qu'elle soit plus rapide se fait au détriment de la fidélité de la réplication. Ce qui veut dire que quand on fait des choses trop vite, souvent on ne le fait pas très bien. Donc la polymérase va extrêmement rapidement, mais du coup elle est beaucoup plus permissive à insérer des molécules qu'on peut lui fournir qui vont agir comme des leurres sur la réplication. Et donc le corollaire de nos recherches, c'est non seulement on a mis en évidence des propriétés extraordinaires qui expliquent des parts d'évolution des virus à long génome, mais en plus on va pouvoir étudier et utiliser cette propriété pour fabriquer des médicaments de nouveau type. Donc, comme test de notre modèle, on a pris le favipiravir, ou l'Avigan, qui est une molécule qui agit sur ce style de polymérase et ce style de réplication, et qui était sur le marché pour le virus de la grippe. Et on a pu montrer que l'Avigan, effectivement, agit comme leurre de cette polymérase et pousse le virus dans son retranchement, son dernier retranchement, qui est de faire trop de mutations, et donc un point tel que ça devient létal. Et donc, ces mutations sont faites à un tel taux que le système de correction, qui était unique au coronavirus, n'arrive pas à suivre et à corriger les erreurs. Donc, ça peut être utilisé. Donc, effectivement, pour l'Avigan, c'est pas une molécule formidable, puisqu'elle est juste apparemment à la limite d'efficacité, mais ça donne beaucoup d'espoir pour isoler, trouver des molécules qui vont agir suivant ce mécanisme. Voilà, et on suit bien sûr tous les jours dans le Journal des Sciences l'actualité liée au coronavirus et également tous les vendredis matins à 7h15 pour la nouvelle radiographie du coronavirus hebdomadaire, cette fois dans la question du jour et dans les matins de Guillaume Erner. Et on passe au bref. La revue britannique The Lancet va renforcer l'évaluation par les pairs. Et cette décision fait suite au Lancet Gate, quand le 4 juin dernier, la revue avait dû rétracter un article douteux à propos de l'hydroxychloroquine. Avant d'être publiée, une étude est soumise à un comité de lecture où des chercheurs vont juger les travaux de leurs pairs. C'est la fameuse évaluation par les pairs. Dorénavant, la revue exigera une plus grande transparence et un meilleur partage des données des études évaluées. Au moins un des examinateurs devra être au courant des détails de l'ensemble des données rapportées. Les éditeurs déclarent aussi porter plus d'attention aux éventuels soupçons sur l'intégrité d'une recherche. De plus, les prépublications seront acceptées pour que n'importe qui puisse les examiner. Selon une étude parue dans The Astrophysical Journal, on connaît enfin la quantité totale de matière présente dans l'univers. Oui, nous savons que la plus grande partie de l'univers est constituée d'énergie noire, la mystérieuse force qui conduit l'expansion de l'univers. Et nous savons que tout le reste, c'est de la matière ordinaire et de la matière noire. Des chercheurs américains ont déterminé avec précision la proportion de chacun de ces éléments. Ils ont d'abord développé le Galweight, un outil pour mesurer la masse d'un amas de galaxies via les orbites de ces galaxies. Selon leurs calculs, la matière ordinaire et la matière noire combinées représentent 31,5% de la composition de l'univers. Les 68,5% restants sont de l'énergie noire. Et enfin, selon une étude parue dans Nature Human Behavior, les bonnes nouvelles influencent nos prises de décision. Et des chercheurs du CNRS et de l'INSERM ont mené plusieurs expériences avec une centaine de volontaires. Les cobayes devaient faire des choix, libres ou contraints, avec à la clé des récompenses ou pas de récompenses. Cette étude montre que pour prendre une décision, les bonnes nouvelles ont plus de poids que les mauvaises et surtout, les événements positifs ont plus de valeur, mais seulement lorsqu'ils sont le fruit de notre action. Ce biais cognitif n'est pas seulement un biais d'optimisme, c'est aussi un biais de confirmation du choix. Bref, nous préférons les bonnes nouvelles quand elles valident nos propres choix. Et la bonne nouvelle, Natacha, c'est que vous revenez demain pour le prochain Journal des Sciences. Merci beaucoup, à demain. Le 10 décembre 2018, le SRF pour European Synchrotron Radiation Facility fermait ses portes après déjà 26 ans de service et quelques mises à jour déjà pour des travaux d'un peu plus d'un an, des travaux de passage à la quatrième génération. Travaux menés à terme et réouverture le 25 août dernier avec une puissance centuplée, faisant de le SRF, le synchrotron, la source de rayons X la plus puissante au monde. Alors si le synchrotron est bien un accélérateur de particules, ce n'est pas pour autant un collisionneur, comme peut l'être le LHC du CERN par exemple. C'est un instrument qui utilise l'accélération des électrons pour produire un flux de rayons X très puissant et très calibré, de façon à être utilisé comme une sorte, si vous voulez, de super radiographie microscopique, comme si on faisait une radio de vos os dans laquelle on pourrait non seulement zoomer jusqu'au niveau atomique, mais en plus naviguer à l'intérieur. Il faut dire que la puissance des synchrotrons a considérablement augmenté depuis les premières générations, comme en témoigne notre archive du jour. C'est un colosse que l'on inaugure cet après-midi à Genève, le synchrotron à protons du CERN, que l'on a baptisé le Rotron, est le plus puissant briseur d'atomes existant aujourd'hui dans le monde. Mais si nous nous trouvons dans le domaine du colossal, nous sommes aussi sous le signe d'une incroyable minutie. Baudelaire dirait de l'euratron, ce monstre énorme et délicat. Il comporte essentiellement une chambre annulaire de 200 mètres de diamètre dans laquelle des flux de protons, accélérés jusqu'à des vitesses avoisinant celles de la lumière, sont envoyés au terme de leur course sur des cibles choisies où ils provoquent d'instructives, de révélatrices destructions nucléaires. Ces protons, on les accélère et on les guide avec une précision extrême au moyen de champs magnétiques et électriques subtilement combinés tout le long du trajet. La complexité de l'ensemble est telle qu'à la veille de ses premiers essais, chacun pouvait se demander « cela marchera-t-il ? » Eh bien oui, l'euratron marche et merveilleusement bien. Il n'est pas question, vous vous en doutez, de décrire tout ce qu'il comporte de savants appareillages électroniques. Je vous dirai seulement ceci, qui peut donner une idée de la susceptibilité de l'ensemble. Lors de la construction du synchrotron, il a fallu tenir compte pour les éliminer, des vibrations d'origine océanique qui se propagent jusqu'à Genève à partir du golfe de Gascogne. Voilà notre archive du jour. Nous sommes en 1960, donc, eh bien, à l'inauguration de ce synchrotron à l'époque très important. Une réaction peut-être l'un et l'autre à cette archive, Jean Susini. Ah oui, donc c'était, je ne la connaissais pas, et effectivement, c'est toujours intéressant de voir l'évolution de la technologie. Puisque le CERN à l'époque était déjà un point de référence, mais à l'heure actuelle, par exemple, est trois fois ou quatre fois plus petit à cette époque que le CRF aujourd'hui. Et la susceptibilité aux différentes vibrations, par exemple sismiques et autres, ce sont des choses sur lesquelles on sait maintenant s'affranchir très très bien, vu l'amélioration des technologies utilisées pour stabiliser le faisceau des particules qui sont dans l'anneau. Mmh. François Royetor, votre réaction à cette archive? Ouais, il met le point sur un point qui est souvent fait, et c'est la confusion entre le synchrotron comme outil, donc nous ici on parle d'un synchrotron à électrons, et notre but c'est d'étudier effectivement la structure, mais la structure des matériaux ou des choses qu'on met dans les faisceaux de rayons X, et non pas d'envoyer directement le faisceau de protons sur des noyaux pour en étudier la structure aussi. Mais le but est un peu le même, c'est quand même de comprendre la structure de la matière. À l'ESRF, c'est à une échelle un peu plus grande qu'au CERN, mais le but ultime est un peu le même. Oui, je le précisais dans l'introduction, et là, il y a un de nos auditeurs qui poste un message en demandant qu'est-ce que le synchrotron a accompli que le LHC ne sait pas faire. Il faut bien rappeler, Jean Susini, que ça n'est pas du tout, ce sont des accélérateurs de particules l'un et l'autre, mais ça ne fonctionne pas du tout de la même façon. Le synchrotron n'est pas un collisionneur, comme vient de le dire François Ryotor, c'est une source de lumière, c'est un émetteur de rayonnement. Oui, tout à fait. En réalité, même si la technologie à la base est la même, en tout cas, elle est très proche, deux cousins proches. Les objectifs scientifiques et la nature des applications, comme l'a dit François, sont complètement différents. Le rayonnement synchrotron, qui est en fait un rayonnement électromagnétique naturel, qui est émis par toutes les particules chargées qui sont soumises à un champ magnétique et qui sont accélérées dans ces accélérateurs, émettent ce rayonnement électromagnétique, émettent de la lumière. Pour les collisionneurs, cette lumière est en fait un problème, puisque cette lumière se traduit par une perte de l'énergie lors des collisions, alors que pour un synchrotron source de lumière, le but est effectivement de produire cette lumière avec le maximum de photons par unité de surface et avec la plus grande stabilité possible. Donc, d'un côté, on utilise la lumière produite, de l'autre côté, on essaye de combattre cette perte d'énergie. Donc, le collisionneur et le synchrotron, tel qu'on peut le voir par exemple à Grenoble, sont deux cousins proches, mais dont les objectifs sont complètement différents. Ils sont radicalement différents. Ce qui est intéressant d'ailleurs, François Ryotor, c'est qu'à l'origine, le rayonnement synchrotron, c'est considéré comme un rayonnement parasite en fait. Voilà, donc les premiers utilisateurs et les premiers synchrotrons, donc dans les synchrotrons dits de première génération et peut-être deuxième génération, là je laisserai Jean me confirmer ça, c'était les physiciens de la matière qui utilisaient le rayonnement synchrotron, c'était un peu des parasites sur l'anneau qui venaient utiliser ce qui est à la base une gêne pour les physiciens nucléaires, c'est-à-dire la perte d'énergie par rayonnement qui est sur ces accélérateurs. Jean Susini? Oui, en fait, on pourrait faire un peu d'historique à ce niveau-là pour bien comprendre l'évolution des différentes générations, puisque je pense qu'on va passer une grande partie de notre temps à parler de la quatrième génération. C'est ça. Mais on va faire, je vous interromps parce qu'on va faire l'historique dans un instant, et avant ça, on va bien reposer les bases et redéfinir exactement de quoi il s'agit dans quelques instants. D'accord. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15, nous parlons donc du synchrotron 4e génération, le SRF, le European Synchrotron Radiation Facility, qui vient d'être inauguré pour sa 4e génération le 25 août dernier à Grenoble. Nous en parlons avec Jean Susini et François Rieutor. Alors Jean Susini, je vous redonne la parole maintenant que j'ai posé ma petite virgule. Rappelez-nous peut-être exactement qu'est-ce que c'est qu'un rayonnement synchrotron, comment est-ce que ça a été découvert, hein. Encore une fois, au départ, c'est un effet secondaire parasite qu'on découvre dans les accélérateurs de particules. Oui, donc comme je le disais, le rayonnement synchrotron, c'est un rayonnement de lumière électromagnétique qui peut être relativement large et polychromatique, puisque si vous regardez sur un synchrotron source de lumière, ce rayonnement polychromatique peut s'étendre de l'infrarouge lointain, donc en dehors des rayons X, mais vont aller jusqu'aux rayons X que nous ici on appelle des rayons X durs, c'est-à-dire des rayons X de la très haute énergie qui pénètrent de manière significative la matière, et ça, on le verra plus tard, un certain nombre d'avantages. Donc le rayonnement synchrotron, en fait, c'est à partir du moment où vous soumettez des particules chargées, et en l'occurrence ici des électrons, dans un champ magnétique, lorsque le champ magnétique va dévier la trajectoire de cet électron va émettre de la lumière, et cette lumière, les propriétés de cette lumière vont être en fait déterminées par la nature du champ magnétique, par l'énergie de ces électrons, mais aussi par leur vitesse. Mmh. Et en réalité, on compare deux situations. L'électron qui est non relativiste, comme on dit, c'est-à-dire que sa vitesse est inférieure à celle de la lumière. Et dans ce cas-là, ce rayonnement est complètement isotrope. C'est-à-dire, en fait, il va éclairer comme une lampe de bureau tout l'espace. Alors que si cet électron est accéléré à la vitesse de la lumière, on parlera dans ce cas-là d'électron relativiste, eh bien, le faisceau de lumière va se concentrer tangentiellement à la trajectoire de ces électrons, et donc produire une lumière qui est très collimatée, peu divergente et très très intense. Si vous voulez un peu, ça, on pourrait comparer, si vous avez une phare d'une moto par exemple, ben le phare s'allumera uniquement dans les virages, dans les tournants, et ferait ce pinceau de lumière qui est utilisé soit dans la gamme des rayons X, en l'occurrence à l'ESR. Mmh. François Rieutor, est-ce que vous souhaitez compléter ou peut-être préciser ou réexpliquer les choses par un autre angle, ou est-ce qu'on a fait le tour ? Non, je pense qu'il a bien expliqué ce qu'était le rayonnement synchrotron. Mmh. Je crois que ça a été mis en évidence à Berkeley, il me semble, la patrie les premiers synchrotrons ou cyclotrons étaient à Berkeley dans les années 50, je crois. Alors, Jean Susini, peut-être à ce propos, je crois que les premières études datent de 1940, la première observation en 1947. Est-ce que mes chiffres sont bons ? Oui, tout à fait. En fait, c'est correct. Voilà. Ouais. En fait, oui, la première observation du rayonnement synchrotron tel qu'on l'entend aujourd'hui a été faite dans un laboratoire de General Electric à New York. C'est ça. Par un groupe qui était à l'époque dirigé par Lang Muir, que tous les physico-chimistes connaissent bien, pas nécessairement pour cette observation-là. Et donc, en fait, ça a été la première observation qui était faite sur un cyclotron, donc un accélérateur de particules de petite dimension. Et ensuite, on a eu un certain nombre de modèles théoriques, et en particulier un certain nombre de physiciens ont travaillé sur la compréhension et la caractérisation de ce type de rayonnement. Donc on a eu un grand nombre de papiers, globalement jusqu'à 1945, sur ce type de rayonnement. Ensuite, on est passé à l'utilisation parasite, comme l'a déjà dit François. Donc on a un certain nombre d'exemples dans les années 60, dans lequel les scientifiques ont pensé utiliser ce rayonnement qui était quand même avec des propriétés tout à fait uniques en mode parasite. C'est-à-dire qu'en fait, on allait parasiter la physique des hautes énergies qui probablement se focalisait à l'époque sur les collisions, mais utiliser ce rayonnement qui était naturel pour faire des expériences de physique et en particulier de spectroscopie à l'époque. C'est-à-dire qu'on venait se greffer sur des collisionneurs qui avaient pour objectif de faire de la collision classique, quoi. Absolument. Et ça s'est fait, en Italie, ça s'est fait en Allemagne, aussi en Rome et à Hambourg, dans lequel on utilisait, comme on avait l'habitude de le dire à cette époque, l'utilisation parasite de ce faisceau. Et alors, à partir de quel moment justement on arrête de greffer sur des collisionneurs pour commencer à monter des synchrotrons à vocation justement de radiographie, en tout cas qui ne soit plus parasitaire mais qui soit de l'usage essentiel, majoritaire, Jean Susini? Alors là, on arrive dans les années 70. En fait, c'est en 1968 que le premier, vraiment, l'anneau de stockage qui était complètement dédié à l'utilisation du rayonnement synchrotron, qui s'appelait Tantalus, c'était à l'université du Wisconsin aux États-Unis. Et ensuite, il a été suivi par un certain nombre de nouvelles machines. Et en particulier, on peut citer celle dans les années 70, ACO, qui était l'anneau de collision d'Orsay, à l'université d'Orsay, qui a été le premier synchrotron français qui était, on va dire, réutilisé, réadapté pour la production de rayonnement synchrotron. Alors peut-être un mot, François Rieuter, parce qu'effectivement ces machines-là, ces équipements, il y a eu plusieurs générations. Je le disais, nous celui de l'ESRF, pardon, vient de la quatrième génération. Comment est-ce qu'on améliore, comment sont améliorées au fur et à mesure ces machines? Pourquoi est-ce qu'on parle d'une génération à l'autre? Quels sont les gaps technologiques qui sont faits à chaque fois? Alors bon, ce dont a parlé Jean, c'était de ce qu'on pourrait appeler des synchrotrons, je pense, de première et deuxième génération. La troisième génération, elle a correspondu à l'introduction des éléments qu'on appelle onduleurs, puisque pour faire émettre des rayons X, il faut faire tourner les électrons. Et l'idée de mettre des dispositifs d'insertion, donc de faire évoluer en zigzag les électrons dans des dispositifs dédiés, ça constitue en fait ce qu'on appelle la troisième génération des synchrotrons, où on a vraiment commencé à introduire ces onduleurs pour produire des faisceaux les plus intenses possibles et avec des propriétés qui étaient vraiment optimisées pour l'utilisation des rayons X. Donc ça, c'était la troisième génération. Et donc la quatrième, alors on va reparler parce qu'on va aller visiter dans un instant, nous avons eu la chance et le plaisir de pouvoir aller visiter justement ce synchrotron de Grenoble, le SRF, mais peut-être un mot Jean Susini pour qu'on comprenne bien comment s'organise cette machine. Donc c'est un accélérateur de particules, il y a un flux d'injection, a priori on injecte des électrons qu'on monte à des vitesses relativistes, mais quelles sont les différentes pièces qui s'agrègent à cet accélérateur pour justement exploiter ce rayonnement synchrotron que vous avez décrit? Bah, donc en fait, il y a quatre composants majeurs sur un synchrotron. Il y a la source des particules chargées, qui sont des électrons dans notre cas, et donc qui sont accélérés dans un accélérateur linéaire. Et ensuite, ces électrons sont injectés dans ce qu'on appelle un booster, qui est en fait un synchrotron par lui-même, qui augmente l'énergie de ces électrons jusqu'à l'énergie nominale, qui est dans notre cas de 6 milliards d'électronvolts. Si on parlera 6 gigas, de 6 gigaélectronvolts, qui sont injectés dans ce grand anneau qui fait 844 mètres de circonférence et qui produit donc les rayons X. Donc en fait, on a des fonctions relativement différentes, puisque le booster va accélérer ces électrons, va pouvoir les injecter à l'intérieur de cet anneau de stockage, et comme son nom l'indique, l'anneau de stockage, c'est qu'on va stocker ces électrons comme une source de rayons X le plus longtemps possible et de manière la plus stable possible. C'est-à-dire qu'il continue à tourner et on utilise en fait justement cette accélération pour la production de rayons X qu'on va ensuite envoyer dans ce qu'on appelle des lignes de lumière. Vous pouvez nous expliquer exactement ce Alors que ça, c'est? Alors ça, c'est le quatrième composant d'un synchrotron. C'est qu'effectivement, pour l'instant, on n'a parlé que de la production de ces rayons X. Et ensuite, bien sûr, il va falloir les exploiter. Et donc, par le biais de sortie, c'est-à-dire la lumière quand elle est émise dans tous les virages, cette lumière va pouvoir se propager de manière linéaire à l'intérieur de tubes à vide et donc va être manipulée par un certain nombre d'optiques. On va pouvoir sélectionner la longueur d'onde, on va pouvoir en définir la taille physique et on va pouvoir donc transporter ces rayons X jusqu'à l'échantillon et faire interagir ces rayons X avec l'échantillon, et donc ensuite détecter les différents signaux qui seront produits par cette interaction entre les rayons X et l'échantillon, et en déterminer globalement les propriétés physiques ou chimiques qui sont le but de cette expérience. Physiquement, plus le synchrotron est grand, plus on peut mettre des installations différentes. On peut pratiquement voir l'ensemble des lignes de lumière comme des microscopes individuels. Et par exemple, à l'ESRF, on a pu avoir jusqu'à 44 instruments qui tournent de manière parallèle, puisqu'effectivement, quand les électrons tournent à la vitesse de la lumière, pour la plupart des lignes, c'est un rayonnement continu. Et bien justement, puisque vous venez de le décrire, et bien maintenant nous vous proposons de vous y emmener, puisque nous avons eu la chance donc de pouvoir aller visiter le SRF. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Alors c'était comment ce synchrotron nouvelle génération? C'était pas mal, je dois dire. Avec Tobias Schuli, on a fait tout le tour, et comme c'est le scientifique en chef d'une des lignes de lumière, et bien on est descendu voir ce que deviennent les rayons X à la sortie. Car il faut voir que la sortie de l'anneau de stockage, c'est une étape très critique, car les rayons X, qui sont très fins et très puissants, doivent encore être filtrés et stabilisés pour être le plus adapté possible à la mesure qu'on veut faire en bout de ligne, c'est-à-dire à 100 mètres de là. Et justement, au bout de la ligne, son équipe, et notamment Guillaume Bethier, travaille sur l'analyse d'échantillons de taille nanométrique, des mesures qui aujourd'hui ne peuvent se faire qu'avec cet instrument. Donc ici, on est ce qu'on appelle le pont. Hein. On est dans la salle du synchrotron, hein, qui est un bâtiment avec un circonférence de 840 mètres. Donc nous verrons ici, il y a ce qu'on appelle le tunnel. Hein. C'est rien d'autre qu'un tunnel en béton. Hein. Dans ce tunnel se trouve le synchrotron. Donc c'est rien d'autre qu'un un tube sous vide dans lequel circulent les électrons à vitesse constante. Alors comment on les génère ces électrons en amont? Il y a un accélérateur linéaire, un autre... Exactement, donc les électrons sont émis par un filament comme dans une ampoule, et comme dans autrefois dans les télévisions, ils sont accélérés, d'abord en linéaire, et après on a un petit synchrotron à l'intérieur qui les accélère à la vitesse, à l'énergie dont on a besoin. Ils sont injectés dans le grand anneau où ils génèrent les rayons X qui alimentent les lignes de lumière. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on génère des électrons, on les accélère à une vitesse proche de celle de la lumière. Et le rayonnement synchrotron, c'est ce qui est issu de ces charges électriques en mouvement. Exactement. Donc ce qu'on appelle le rayonnement synchrotron, c'est rien d'autre qu'un spectre large du rayonnement électromagnétique. Et les rayons X, ça fait partie de ce spectre. Et nous, la plupart des lignes de lumière et ce synchrotron-là sont optimisés pour exploiter le spectre des rayons X. Ils sont générés de manière un peu tangente au rayonnement synchrotron, et comment on les récupère finalement? Bon, le rayonnement synchrotron dans les rayons X, c'est de la lumière, et donc les électrons qui les génèrent, bon, ils tournent en rond, ils passent des aimants qui les font prendre un virage et qui en même temps les accélèrent et donc leur font émettre cette lumière. Et donc quand un aimant force un électron de faire un virage, la lumière, elle n'interagit pas avec l'aimant, mais va tout droit. Et donc on a des fenêtres qui laissent passer la lumière et qui sortent en tangente, pendant que les électrons continuent leur chemin. Comme des sorties d'autoroute. Exactement, ouais, voilà. Le synchrotron, en réalité, est un polygone, hein, c'est pas un cercle. Donc il y a 32 sections droites, et après des petits virages dans ces sections droites. Et dans chaque petit virage, comme vous voyez ici, hein, il y a comme un port où la lumière peut sortir. Hein, et donc on a autant de labos qui peuvent exploiter cette lumière. Du coup, est-ce qu'on pourrait voir une de ces lignes de lumière? Ouais, on va descendre du pont... sur le sol expérimental, donc c'est des bancs optiques qui sont plus que 100 mètres de long, remplis d'équipements et toute la technologie de la civilisation humaine, plus ou moins, et qui sont utilisés pour nous préparer des faisceaux nanométriques. Alors on est descendu du coup du pont et là on se trouve devant cette ligne. Voilà, on se trouve dans les nouveaux bâtiments extérieurs. Bon, comme vous voyez, une bonne partie de la ligne de lumière est dans des cabanes en plomb, hein, pour nous protéger des rayons X. Et donc, on ne peut pas toujours accéder quand on veut et regarder l'équipement, parce qu'en ce moment, il y a des mesures en cours. Ce tube-là, hein, c'est un tube en acier, bon, dans lequel il y a du vide. Et ce vide, ça sert comme guide pour les rayons X. Et autour de ce tube, il y a une couche de plomb, hein, pour qu'il n'y ait pas des rayons X qui sortent. Là, actuellement, il y a du rayonnement qui est en cours. Oui, exactement. Il y a des rayons X qui passent. Il y a des expérimentalistes qui font une mesure avec ces rayons X en ce moment. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils font exactement là? Ils regardent des structures magnétiques à basse température. Donc on peut regarder, il y a une caméra de contrôle qui devrait nous montrer un peu l'échantillon et ce qui se passe autour. Donc là on va baisser la tête pour passer en dessous de ce tuyau. Voilà, on va dans cette salle. Voilà, on peut suivre l'expérience en cours. Alors, l'objectif, là, oui, c'est d'aller regarder une structure magnétique donc, dans un composé qui est du dysprosium pur. L'échantillon, il est à l'air, il est juste au bout de l'arrivée du faisceau. Et puis il y a un jet cryogénique, donc c'est de l'azote froid en fait qu'on crache sur l'échantillon, qui le refroidit. Voilà. Alors si on devait refaire le chemin parcouru. De la lumière. De la lumière. Donc en bout de ligne, on a la salle expérimentale qui contient l'échantillon et tous les caméras, tous les détecteurs qui mesurent la lumière qui est diffusée par l'échantillon. Donc ici, à 100 mètres, il y a toute une installation optique très compacte qui contient des apertures, lesquelles on définit la quantité de lumière qu'on utilise dans la station expérimentale. Ici, le faisceau passe à travers le mur et change de bâtiment. Donc ouais. Nous allons prendre la porte. Et on finit une autre installation optique. Où on a ici, on est à 55 mètres de la source. Donc on est à peu près à mi-chemin entre la source et l'échantillon. Ici, on a des lentilles qui savent focaliser ou pré-focaliser la lumière. Voilà, c'est de nous pour conditionner et adapter en général le compromis flux, ça veut dire intensité de lumière et taille de faisceau qu'on obtient à la fin pour faire le bon compromis pour chaque expérience. Donc ici, ce qu'on appelle, c'est la cabane d'optique primaire. Là-bas, on a le mur en béton. Donc ce mur en béton, ça fait partie des tangentes qu'on voyait quand on était au-dessus du tunnel. Donc la lumière, avant, elle est dans le même tuyau que les électrons. Et après, elle sort de cette enceinte en béton qui nous protège de tout le rayonnement qui est créé à l'intérieur. Et elle rentre dans cette cabane d'optique primaire. Et donc dans cette cabane d'optique primaire, on fait un tri entre tout ce qui est là, toutes les couleurs. Et on a ce qu'on appelle des monochromateurs qui sélectionnent une longueur d'onde, ça veut dire une couleur précise qu'on peut varier à chaque expérience. Donc on définit en fonction des besoins du client, des chercheurs qui viennent. Et donc c'est la première étape de conditionnement de la lumière. Ce qui est des équipements qui sont développés ici aussi, parce que ça répond à des besoins uniques de synchrotron. Et ça doit correspondre à des exigences au niveau stabilité thermique et mécanique. Parce que vous imaginez, le faisceau est continu sur 70 mètres d'ici. Et là-bas, on veut faire une mesure avec 50 nanomètres de précision. Donc c'est un grand défi, la stabilité qu'on doit obtenir. Voilà une visite de l'ESRF, comme si vous y étiez, visite que vous pouvez compléter en vous rendant sur notre fil Twitter, @laméthodefc, où on a posté un certain nombre de photos prises par Céline au cours de ce reportage. Bon, je vais évidemment vous demander votre retour d'écoute, votre impression, Jean Susini. Très bien, on s'y croirait, bien sûr. C'est un environnement qui m'est assez familier, et je pense que ça reflète tout à fait l'ambiance qu'on a sur ce synchrotron, dans lequel chaque mesure et chaque expérience est un challenge en lui-même, mais on a toute la connaissance, on va dire, technologique et fondamentale pour les réaliser en collaboration avec nos utilisateurs. François Royotor, votre impression ? Oui, on est voisins, et donc c'est effectivement... ça donne une bonne idée. Il y a effectivement non seulement d'avoir une bonne source, mais d'avoir également des bons instruments derrière pour exploiter la qualité de cette source. Et ça, c'est difficile technologiquement parce qu'il faut des miroirs, il faut des actuateurs très stables, il faut être capable de déplacer des échantillons avec une précision extrême. Et donc tout ça, c'est compliqué, c'est effectivement de la technologie. On salue l'un de nos auditeurs aussi qui a posté une photo qui est, je veux dire, assez touchante et assez belle de l'ancêtre que vous évoquiez tout à l'heure, le 53 ACO à Orsay. Peut-être un mot, Jean Susini, tout de même, puisque maintenant qu'on y a été, qu'on voit aujourd'hui, quels ont été les enjeux techniques ou technologiques de ce passage à la quatrième génération. Il a fallu quand même tout de même changer, remplacer toute une partie de l'équipement à l'intérieur de l'anneau d'accélération. Ah oui, absolument. C'est une vraie rupture technologique. C'est ça qu'il faut vraiment garder à l'esprit. Le passage de la troisième génération, qui, comme l'a expliqué François, était une optimisation de tous les éléments qu'on avait à l'époque, le passage à la quatrième génération a nécessité de repenser complètement le concept de ces accélérateurs, mais avec des contraintes particulières. Et la contrainte que nous, on s'était imposée, c'est la réutilisation de l'ensemble de l'infrastructure. Donc, il y avait aussi un aspect économique à cette réflexion, dans la mesure où il était bien sûr bien moins cher de construire un synchrotron qui réutilisait l'infrastructure que d'en construire un complètement nouveau sur, on va dire, un terrain vierge. Mm. Les enjeux, effectivement, c'était d'augmenter le nombre des aimants à l'intérieur de la structure accélératrice, c'est-à-dire à l'intérieur de l'anneau de stockage, puisque l'enjeu ici, c'est d'augmenter ce qu'on appelle la brillance. Le mot, c'est un peu un anglicisme, mais en fait, ça représente bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire le nombre de rayons X qui sont produits par unité de surface et unité d'angle et par unité de temps. Donc ça, c'était notre ambition. Et on savait très bien que physiquement, il était très difficile d'augmenter ce nombre dans le plan vertical, mais on avait une marge importante dans le plan horizontal, parce que, comme on l'avait dit tout à l'heure, le faisceau est plat, c'est une ellipse très, très aplatie. Dans la mesure où le synchrotron est horizontal. Donc l'enjeu là, c'était de trouver une structure magnétique qui nous permettait de concentrer l'ensemble de ce faisceau, non pas d'augmenter le nombre de rayons X dans l'absolu, mais plus de le concentrer dans un volume bien plus petit. Voilà. Pour ce faire, en fait, on a augmenté le nombre d'aimants qui étaient à l'intérieur du synchrotron. Et pour ce faire, il fallait travailler sur la miniaturisation de ces aimants. C'est ça. Mettre plus d'aimants dans le même volume. C'est la question que je voulais vous poser pour compléter, peut-être pour conclure cette partie un peu technique. C'est comment est-ce qu'on arrive justement à réduire la taille du faisceau, mais vous avez en partie répondu, Jean Suzini, à cette échelle nanométrique qui va être très importante ensuite pour les applications dont on va parler dans quelques minutes. Ben, en fait, oui, ça a été... Donc, il faut partir déjà d'une idée sur le concept. Et c'est ce que notre collègue qui était responsable du projet à l'époque... Pantaleo Raimondi a trouvé un certain nombre d'astuces qui nous ont permis de revisiter la structure magnétique et en fait de produire un certain nombre d'aimants. Ces aimants, il faut les voir comme des lentilles magnétiques. Et donc, ça a permis de manipuler le faisceau d'électrons de manière différente, de pouvoir l'installer à l'intérieur de ce tunnel qui était préexistant, de pouvoir faire correspondre les différentes sources de lumière sur des instruments qui étaient préexistants. Et donc, les ingénieurs... On travaillait sur ces modèles. Et comme le disait en fait votre interlocuteur au début de l'émission, sur le CERN en 1960, la question c'est est-ce que ça va marcher? Et donc on était très contents de constater qu'effectivement ce concept-là marche et donne des résultats qui vont au-delà de nos espérances en termes de performance de la machine. Et on va voir justement également à quoi peuvent être utilisées ces performances pour sonder la matière au niveau atomique. On en parle dans un instant. Cannot hide. Line of Lights de The Subway à 16h40 sur France Culture, puisque nous parlons de lignes de lumière et précisément de celles qui sont au synchrotron 4e génération à l'ESRF qui vient d'être inauguré dans sa toute nouvelle version à Grenoble. Nous en parlons avec Jean Susini qui est directeur scientifique de l'ESRF à Grenoble et François Riotor qui est directeur scientifique du laboratoire modélisation et exploration des matériaux au CEA. Mais à 16h40 tout de suite, c'est l'heure de retrouver comme tous les mercredis la recherche montre en main. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Francesco Laporta. Bonjour. Bonjour, bonjour. Vous êtes doctorant en deuxième année à l'université Grenoble-Alpes. Vous travaillez sur la croissance de matériaux bidimensionnels sur des métaux catalyseurs liquides, études in situ par rayon X synchrotron. Bienvenue à la recherche montre en main, on vous écoute. Bonjour. Donc, à la synchrotron de Grenoble, nous pensons que la technologie et l'innovation sont des outils indispensables pour améliorer l'humanité. En cela, je pense que l'étude des matériaux a une importance fondamentale à niveau technologique. Sans le silicium, par exemple, nous n'aurions pas de téléphone portable ou d'ordinateur. Ou vous pensez que la révolution était l'invention du plastique? Les matériaux innovants peuvent énormément modifier nos habitudes quotidiennes et nous projeter dans un avenir de science-fiction. Que se passerait-il si je vous disais que d'ici à 20 ans, nous pourrons lire des messages non plus des téléphones, mais sur une pellicule fixée à notre bras? Ou si vous disiez que sera possible de construire des lunettes qui nous permettent de voir aussi bien dans la noire que dans la lumière du soleil? Ou qu'il est possible de construire des cellules artificielles avec lesquelles on peut mesurer l'environnement qui nous entoure? Tout cela serait possible avec un matériau appelé graphène. Le graphène est un matériau bidimensionnel. Cela signifie que les atomes de carbone qui les composent sont disposés sur un plan, comme un feuille de papier. Sa découverte est relativement récente. C'est pourquoi cette technologie n'est pas encore sur le marché. Parmi les plus grands problèmes, la production est certainement la plus importante. Les petits impuretés et les défauts peuvent endommager les matériaux, altérant ses qualités physiques. Je vous rappelle que les matériaux ont une épaisseur d'un atome. Dans ce contexte, c'est là que se situe mon travail. Or, la méthode classique de production consiste à faire passer des atomes de carbone sur la surface de métaux solides. Pensez à cet atome comme à des voitures sans frein qui voyageaient sur une autoroute. Lors du premier accident, les voitures entrent en collision l'une après l'autre. De même, les collisions d'un certain nombre d'atomes de carbone créent accumulation de matière qui s'organise dans la structure cristallique du graphène. Le problème est que la rugosité du matériau augmente le nombre de collisions et donc le nombre de cristaux de graphène. Si des cristaux différents s'assemblent, ils forment des défauts qui nuisent la qualité du graphène. Il faut donc réduire le nombre de cristaux. Notre idée et de synthétiser le graphène sous les matériaux liquides. Évidemment, le liquide à la fois plat et homogène et influence moins les matières produites. Notre graphène, en effet, a très grande qualité et un haut degré de pureté. La particularité de mes recherches est que mes mesures sont effectuées pendant la synthèse à 200 millibars et des températures élevées. Comme substrat, en effet, nous utilisons du cuivre liquide qui fondent à 1100 degrés. À niveau technique, ceci est très complexe et les synchrotrons entrent en jeu ici. Avec des rayons X intenses comme c'est ceux qui se trouvent à les synchrotrons de Grenoble, nous pouvons dire avec certitude combien de couches de graphène nous produisons, quels paramètres réticulaires possède le graphène et comment il interagit avec les liquides, etc. etc. Mm-hmm. Le contrôle du site de la synthèse permet de surveiller en temps réel qui ce qui se passe sur la surface de catalyseur et d'optimiser au maximum les paramètres de croissance. Pour revenir à ce que j'ai dit au début, je crois que le graphène est très prometteur pour améliorer la vie de chacun. L'innovation scientifique avance lentement. J'espère avec cette étude de permettre de faire un pas, même petit, dans cette direction. Merci. Merci beaucoup Francesco de la Porta pour votre présentation. Peut-être une réaction l'un et l'autre, François Riotor, à ces applications rendues possibles comme les travaux de Francesco de la Porta vient de nous expliquer. Oui, bah là il y a on voit deux intérêts dans ces travaux-là du rayonnement synchrotron. Donc là, l'idée c'est donc d'être capable de mesurer la structure de ce film de graphène, donc un film monoatomique de carbone. Donc c'est vraiment très difficile à faire parce qu'il y a peu d'atomes et donc peu de diffuseurs. Et nous, on veut connaître comment il est organisé, quel défaut il y a dedans. Donc les deux intérêts du synchrotron ici, c'est le fait qu'il est très intense, donc notamment avec la nouvelle source, on peut concentrer les photons sur cette couche de bidimensionnelle et les quelques atomes qui sont dedans. Et puis, c'est quelque chose qu'on peut faire in situ, puisque là, il vous a parlé des conditions de réalisation de ce film de graphène. C'est sur du métal liquide à 1200 degrés ou à 1100 degrés. Donc ça, c'est un des grands intérêts des rayons X, c'est qu'ils sont capables de traverser des fenêtres de four, des environnements d'échantillons qui sont assez difficiles et que les autres techniques ont beaucoup plus de mal à gérer en même temps que l'étude du matériau lui-même. Jean Susini, si on élargit un peu aux différentes applications, quand on regarde un peu sur le papier, on a l'impression que c'est vraiment extrêmement multifonction un synchrotron quatrième génération, que ça sert aussi bien en biologie moléculaire que en archéologie, en paléontologie, en physique des particules. Peut-être un mot, parce que on a dit, ou j'ai lu en tout cas, que la réouverture avait été un peu anticipée précisément pour pouvoir utiliser les propriétés de l'ESRF pour contribuer à la recherche autour du SARS-CoV-2 et de l'épidémie de Covid. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Oui, alors effectivement, donc, cette pluridisciplinarité, elle était vraie aussi avec la troisième génération. On va dire les instruments sont développés avec une vision et un objectif scientifique bien défini. Et donc, quand je parlais des 44 instruments autour du synchrotron, on a 44 microscopes qui font en fait des mesures différentes sur des échantillons différents. La caractéristique de l'ESRF, comme l'a dit François, c'est la pénétration de nos rayons X qui sont produits ici, dans la mesure où on produit des rayons X qu'on appelle très très durs. Avec la quatrième génération, il y a quand même une vraie évolution, il y a une évolution qualitative, parce qu'on va avoir un faisceau qui devient cohérent, donc ça c'est toute une nouvelle gamme d'expériences qui va être rendue possible, et quantitativement, on a beaucoup plus de rayons X par unité de volume, donc on va être capable de faire des expériences beaucoup plus rapides ou beaucoup plus précises. Alors pourquoi on l'a adapté pour le Covid? Parce qu'en fait, il y avait deux questions, et effectivement, nous avons anticipé dans un contexte relativement difficile, puisque c'était pendant le confinement, et aussi parce qu'on redémarrait cette nouvelle machine. Donc en fait, contrairement peut-être à d'autres structures identiques, on avait aussi cette phase de mise au point qu'il fallait faire, et on avait décidé d'ouvrir un certain nombre d'instruments pour la recherche sur le Covid, suite à une demande d'autres communautés, et on a répondu à cette demande sur deux types d'expériences. La première, c'était la biologie structurale, dont le but est de déterminer la structure tridimensionnelle de molécules ou de macromolécules biologiques, et donc évidemment par rapport à la question du virus et du SARS, l'idée c'était, comme on l'a dit votre collègue par exemple sur la polymérase, l'idée c'était de pouvoir mesurer les structures tridimensionnelles d'un certain nombre de composants qui interviennent dans la réplication du virus. Ça c'est un premier type d'expérience. Le deuxième type d'expérience que nous avions, c'était en imagerie, et là c'est tout à fait unique, on est les seuls à pouvoir le faire, c'était d'imager effectivement des organes de personnes qui sont mortes de cette maladie du Covid-19, et donc de voir quel était le niveau de destruction des microstructures à l'intérieur de ces organes. Et vous comprendrez que la première cible, c'était le poumon. Bien sûr. Donc on a imagé tel un scanner médical, mais bien sûr avec des performances surmultipliées en termes de précision et en termes de contraste. On a imagé la destruction des microalvéoles et du système microvasculaire à l'intérieur d'un poumon humain grâce à nos techniques d'imagerie qui sont développées ici. Mmh. Ce que je disais en introduction, Jean Susini, c'est vrai ou est-ce que c'est un peu exagéré, à savoir qu'effectivement, c'est l'équivalent d'un scanner dans lequel on pourrait zoomer au niveau quasi atomique et tout en continuant à naviguer à l'intérieur du scanner, c'est ce que permet aujourd'hui le SRF ? Alors, j'aimerais bien dire oui, mais en fait, c'est un petit peu extrapolé dans la mesure où ce que vous dites est tout à fait vrai dans le sens où on peut effectivement avoir une approche multidimensionnelle, à savoir de regarder des très gros objets et de descendre à l'intérieur de cet objet et de naviguer à l'intérieur, mais on reste sur une mesure morphologique, puisque c'est des techniques d'imagerie. Si vous voulez avoir une information atomique, c'est-à-dire avoir la distribution des atomes à l'intérieur d'un échantillon, là, il faut passer sur des techniques différentes, qui sont des techniques, par exemple, de diffraction ou de diffusion de lumière. Donc, en fait, là, on parle de différents microscopes. Donc, si vous voulez avoir ce type d'information, il faudra passer d'un instrument à l'autre. Mmh. Peut-être un mot, François Riotor, parce que là, ça, c'est pour les sciences du vivant. Quels sont les usages, quelles sont les applications que l'on peut imaginer du côté de la science des matériaux, notamment, ou éventuellement, extrapolons, puisqu'on a affaire à un rayon X extrêmement puissant et très pénétrant dans les sciences archéologiques ou paléontologiques, par exemple, qui permettent justement d'avoir accès à l'intérieur d'objets de façon non-invasive et non-destructive. Oui, c'est également de l'étude des matériaux quelque part, puisque dans les matériaux archéologiques, par exemple, ou l'étude des ce qu'on appelle plus généralement les sciences du patrimoine, les gens vont regarder les peintures qui étaient utilisées, et donc là ils regardent les pigments, et donc ils font quelque part l'identification se fait par l'étude du matériau qui a servi à faire la peinture. Donc nous, ce qu'on attend et ce qu'on espère beaucoup avec la quatrième génération, c'est effectivement la capacité d'aller regarder de façon très locale la structure d'un matériau, puisqu'on aura beaucoup de rayons X concentrés dans un petit volume. On pourra étudier une petite partie soit des petits objets, soit une petite partie d'un gros objet, comme un pigment sur un tableau, comme une partie active au sein d'un dispositif. Mmh. Et on a là l'intérêt que les rayons X sont capables de traverser tout le reste de l'échantillon qui ne nous intéresse pas pour aller sonder uniquement la structure de la partie qui nous intéresse. Jean Susini ? Oui, juste pour compléter la description qu'a faite François. Je pense que ce qui est important de bien comprendre, c'est que l'utilisation des rayons X dans ce cas-là a deux avantages. La première, c'est que c'est non destructif. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez une pièce très très rare, comme par exemple un reste humain d'un paléontologique ou vraiment un objet qui est unique au niveau humanité, on peut en faire une analyse tridimensionnelle sans la détruire, mais encore mieux, sans même en fait ouvrir sa protection. Donc on a cette pénétration et on est capable de faire, par exemple, une analyse de la morphologie d'une momie sans ouvrir même le sarcophage. Mmh. Donc en fait, c'est cet aspect non destructif. Et de l'autre côté, on est capable de focaliser le faisceau sur des tout petits volumes. Et ça, c'est un avantage énorme, par exemple, en sciences du patrimoine, puisque comme vous pouvez l'imaginer, il y a peu de musées qui pourraient accepter de déplacer sur un synchrotron un Léonard de Vinci ou un Van Gogh et autres. Par contre, ils acceptent tout à fait de nous donner un échantillon microscopique qui est représentatif d'un problème, par exemple la technique de l'artiste ou alors la dégradation d'un pigment. Mmh. Et donc, grâce à ce micro échantillon, on va être capable d'analyser parce qu'on a suffisamment de rayons X et on est tout à fait capable de lui donner la forme et l'énergie nécessaire pour faire l'analyse chimique de cet échantillon très petit et dont l'extraction aurait été invisible au niveau du tableau. Mmh. D'autres applications rapidement, notamment en termes de rapidité, c'est-à-dire la capacité de filmer ou d'analyser des réactions chimiques à la femtoseconde, François Riotor. Alors bon, là, je suis pas très compétent dans ce domaine de l'analyse temporelle des réactions chimiques. Pour citer un exemple qu'on a fait récemment à l'ESRF, c'était on a imagé une fracture en train de se propager. Donc là, c'était une fracture d'un morceau de silicium. Et on a pu, grâce à la structure temporelle de l'anneau, imager la progression du front de fissure en fonction du temps. Et donc avec une résolution qui est extrêmement temporelle, qui est liée à la structure temporelle de l'anneau, et donc qui est dans le domaine de la microseconde. On était en dessous de la microseconde en résolution temporelle. Jean Susini, à ce propos. Oui, bah juste encore une fois pour compléter. Alors vous étiez un petit peu optimiste en parlant de la femtoseconde. Ça, c'est peut-être un peu trop rapide pour nous. Ça, c'est vraiment le domaine de ce qu'on appelle les lasers électrons libres, qui sont une autre famille de. On va y venir. De sources. Mais nous, la résolution la meilleure qu'on puisse produire, c'est en fait la taille physique des électrons et leur distance. Donc, on est à 100 picosecondes. Donc, ce qui est déjà très bien. Oui. Mais on a un certain nombre d'avantages par rapport aux autres machines. Et c'est une structure temporelle et une rapidité qu'on utilise assez fréquemment, par exemple, pour voir le déplacement d'atomes ou de charges à l'intérieur d'une réaction chimique sur, par exemple, des biomolécules. Mais justement, puisque dans les quelques minutes qui nous restent pour conclure cette conversation, nous en sommes donc, nous avons évoqué les prouesses rendues possibles par la quatrième génération. La cinquième génération, elle est déjà en cours d'étude ou de réflexion. Jean Susini, quelle serait-elle? Ce sont ces fameux lasers électrons libres que vous venez d'évoquer. Alors, pas vraiment, parce qu'en fait, encore une fois, on parle d'une filiation. Alors, il y a une filiation commune, hein, si on regarde on va dire la philosophie du développement du rayonnement synchrotron, mais les lasers électrons libres sont effectivement des machines qui sont complètement différentes par nature et avec des objectifs différents. Donc, je les identifierai pas comme une cinquième génération. On vient juste de commencer la quatrième, donc je pense que personne a vraiment une boule de cristal pour savoir quelle sera la cinquième génération. Je pense qu'il va ces sauts technologiques apparaissent à peu près tous les 20 ou 30 ans. Et on sera probablement à même de définir cette cinquième génération dans quelques décennies. Les lasers à électrons libres sont des machines qui sont vraiment dédiées à des expériences très, très particulières, un petit peu comme leur nom l'indique, hein, ce sont des lasers qui produisent des rayons X, mais dont les propriétés sont tellement différentes de celles qui sont produites par les synchrotrons, on va dire plus traditionnels, qu'on peut pas vraiment les mettre en compétition ou les comparer. Et si vous voulez, parce que tout au long de cette émission, il y a le compte Twitter officiel de l'ESRF qui poste un certain nombre de liens de vidéos et qui vient de poster, et je dois dire que c'est assez admirable et assez fascinant, la décomposition d'une momie de crocodile, justement grâce au synchrotron ESRF, et c'est assez bluffant, donc je vous enjoins d'aller jeter un œil à ça, parce que c'est assez admirable. Merci beaucoup à tous les deux d'être venu nous parler de ce rayonnement synchrotron quatrième génération et de cette machine unique au monde. Machine unique au monde, c'était un peu trop condensé. Merci beaucoup Jean Susini, merci François Ryotor d'être venu nous parler de cette ESRF. Je vous rappelle que comme tous les mercredis, vous pouvez retrouver les idées claires sur les réseaux sociaux de France Culture, de France Info, ainsi qu'en podcast avec cette question aujourd'hui autour de ce fameux réseau QAnon. Est-ce que c'est un véritable mouvement populaire? Qui sont-ils exactement? Quelles sont les théories complotistes qui circulent à l'intérieur de ce réseau? On essaie de vous répondre dans les idées claires du jour. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Eve Etienne, Céline Lozel, François Malordi, Natacha Triou, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Olivier Bétard à la réalisation, Élise Leu à la technique. Demain, nous reviendrons sur une fâcheuse tendance de la physique, la volonté de tout unifier. Et pour cela, nous partirons d'une expérience historique essentielle, l'expérience d'Oersted, qui montra il y a 200 ans exactement le lien entre électricité et magnétisme. On en parle demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.